Voici votre bulletin régional. Le 30 juillet est la date limite pour faire parvenir son CV au 54 rue Bibot, Courchir, à l'attention du comité de sélection, afin d'appliquer sur le poste de directeur ou directrice générale de la Maison de la famille du Haut-Saint-François, La Relève. Dans le cadre des concerts de la gare de Istinguis, on nous offre une soirée découverte le 30 juillet dès 19h30. Sur grand écran au parc Nicole de Istinguis le 31 juillet à 20h30, projection du film Paddington. En cas de pluie, au pavillon des sports sur la rue Saint-François.